lady s'en fout des choses qu'elle kiffe, c'est mon reggae blues. Et puis c'est ma petite gueule and I qu'elle a choose. Ange ton rough top et ton blues avant que sois d'humeur jalouse. Cousin, la plus fraîche des news, c'est que demain je l'épouse. Alors oh toi de là, my lady doesn't care pour toi, ne me regarde pas comme ça. C'est entre elle et moi, j'ai cette chance-là. Je la lâcherai pas, ne la laisserai pas filer entre mes doigts. Que tu sois Paul Newman ou même Casanova, ne t'approche pas trop près de ma diva. Je suis Marcel, elle s'est dit. Depuis que l'amour nous habite, je la serre dans mes bras. Pendant qu'une poignée de mômes viave de ça, tu sais l'effet qu'un seul de tes sourires me fait. Tu penses mes faiblesses, m'offre l'ivresse à chacune de tes caresses. Oh my little Louise, on est Adam et Ève, c'est mieux que dans un rêve. Elle m'a fait qu'est gros sa pomme, c'est ma femme. Je suis son bonhomme et la somme de nos cœurs est plus enflée que le dôme du Sacré-Cœur. C'est une mère, c'est une fleur, une magic sister. Si elle me quitte, je meurs. Apprenti bonheur un peu loser, recherche l'âme sœur pour des jours meilleurs. J'ai besoin de ton cœur, ton corps et ta chaleur. J'essaierai d'être à la hauteur, tu seras ma diva et moi je serai ton crooner. Tu sais l'effet qu'un seul de tes sourires me fait. Pense mes faiblesses, m'offre l'ivresse à chacune de tes caresses. Oh my little Louise. Et si c'est ce qu'il me faut être avec toi, c'est plus fumant que du nac champa, plus sweet que de la confiture extra, et t'es plus féline que la reine de Manara. T'es ma lidée, ma diva, diva. Ma girl et ma girl, me, myself, I et moi. On est sous chat, ton petit air de je ne sais quoi. Hey, à kiffer un peu comme ouh, ouais, yeah. Bou, bou, bou, bou, ouais, yeah, ah, ah. Oups, dilly, pour les ablis, dil-da-da-da-da-da. Dil-da-da-da, dil-da-da-da. Tu sais l'effet qu'un seul tes sourires me fait. Tu penses mes faiblesses, m'offre l'ivresse à chacune de tes caresses. Oh my little Louise, ma diva, ma darling, ma clochette, mon elfling, ma swingalingaling, no bling bling, ma Sophia Loren, mon jardin des.